Alors, 7 janvier 2011, 23h22, je reprends ma lecture du récit poétique de Jean Letadier, qui me sert d'entraînement, d'exercice pour la lecture, enfin la prise de notes orale, selon ma fameuse expression. J'avais commencé le chapitre sur les personnages. J'avais pris des notes fin janvier, le 25 janvier. Et donc je les ai redites devant le micro, mais c'était très peu satisfaisant. Et donc comme je suis arrivée à la fin de mes notes écrites, j'ai décidé de changer de méthode et de simplement raconter les passages qui m'ont marqué et que j'ai marqué au crayon. Donc, j'en étais à La liberté ou l'amour, publié par Robert Desnos en 1927. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est qu'il est construit comme un dialogue entre un destinataire et un destinataire, et que cette structure linguistique, jusqu'à maintenant, était plutôt propre à la poésie lyrique. Donc là, Tadié cite une très belle citation de Desnos. Qui illustre cette structure en dialogue. Je cite: Tu es, toi, grande en mon rêve, présente toujours, seule en scène, et pourtant tu n'es pourvue d'aucun rôle. C'est donc à la femme aimée que s'adresse le narrateur, enfin, en tout cas le narrateur de cette phrase. Mais cette phrase, c'est cette femme. N'est rien de plus qu'un rêve, qu'un fantasme. Un fantasme qui sert à l'assouvissement du désir. Et c'est le style qui est porteur du mouvement de ce désir. Donc là, je cite encore Desnos: Vous lirez ou vous ne lirez pas, vous y prendrez de l'intérêt. Où vous y trouverez de l'ennui, mais il faut que dans le moule d'une prose sensuelle, j'exprime l'amour pour celle que j'aime. En fait, les personnages de ce récit sont simplement des êtres de papier qui sont issus des rêves de l'auteur, mais également du jeu sur les mots. En fait, ce qui est au cœur du récit, c'est le phénomène, je cite Desnos, le phénomène magique de l'écriture en tant que manifestation organique et optique du merveilleux. Ce merveilleux qui ne naît plus du relief des personnages, comme par exemple dans le roman noir, tel Melmoth, mais merveilleux qui naît du caractère uniquement verbal de l'existence de ces personnages.